Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 11e chronique des ondes positives. Une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose et je vous propose aujourd'hui de découvrir ce qu'est l'amour. Fadjet, les ondes positives. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. Voici comment Jean Cocteau ouvre cette émission spéciale consacrée à l'amour, aujourd'hui lundi 14 février, Saint-Valentin, patron des amoureux. Alors, pourquoi le 14 février, pourquoi Valentin, me direz-vous? En réalité, durant l'Antiquité, les Romains célébraient les Lupercales, une fête païenne et libertine, du 13 au 15 février. Cette tradition était relativement mal perçue des chrétiens et notamment du pape Gélas Ier, qui finit par y mettre un terme en octroyant la date du 14 février à Saint-Valentin, qui s'est battu contre un empereur qui souhaitait interdire le mariage pour que les hommes partent plus facilement à la guerre. Emprisonné, Valentin rencontre la fille du geôlier qui lui demande de lui décrire le monde alors qu'elle est aveugle. Les deux finissent par tomber amoureux et le miracle se produit. La jeune fille retrouve la vue. Et dire que l'on croyait que l'amour rendait aveugle. Cette expression d'ailleurs est attribuée à Platon, le célèbre philosophe grec de l'Antiquité, qui distinguait trois formes d'amour. Il y a tout d'abord Eros, qui a donné en français le mot érotisme, c'est l'amour passion, l'attirance physique et sexuelle. On considérait que ce type d'amour était aussi intense qu'éphémère et conduisait bien souvent à des fins terribles. Ensuite, il y a Storgé, l'amour fraternel, familial. Au contraire d'Eros, ce type d'amour grandit au fur et à mesure du temps et se développe sur des relations familiales et amicales. On retrouve également Philia, l'amour altruiste et l'amitié sincère, qui a donné ensuite des mots dérivés tels que philosophie, l'amour de la sagesse, philanthrope, l'amour pour l'homme avec un grand H, ou encore le prénom Philippe, celui qui aime les chevaux. Et pour finir, tout en haut de la pyramide de l'amour se trouve Agapé, l'amour universel et inconditionnel. Un amour qui nourrit autant celui qui donne que celui qui reçoit. C'est l'amour de l'amour, un amour qui peut être sans but ni objet. Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho du dramaturge anglais le plus célèbre de son temps. Cette voix, c'est celle de William Shakespeare dans son œuvre « Roméo et Juliette ». Les ondes positives sur Fadjet. Oh, c'est ici que je veux fixer mon éternelle demeure et soustraire aux joues des étoiles ennemies cette chair lasse du monde. Un dernier regard, mes yeux, une dernière étreinte, mes bras, et vous, lèvres, vous, porte de la laine, scellée par un baiser légitime, un contrat illimité avec la mort. Appelle-moi amour, ce sera un nouveau baptême. Désormais, je ne serai plus jamais Roméo. Alors, comment fait-on pour entretenir la flamme de l'amour en nous et en l'autre? Selon Platon, l'amour serait désir, et le désir serait manque. Aussi, pour lui, l'amour n'existe plus une fois que nous possédons l'objet de notre désir, puisqu'effectivement, nous ne pouvons plus le désirer, étant donné que celui-ci ne nous manque plus. Dans le cerveau, cela se traduit par des neurones chargés en dopamine qui vont activer des zones cérébrales impliquées dans le désir et le plaisir, notamment le stritium. Pour Platon, la raison qui explique que des couples perdurent n'est plus le sentiment d'amour, mais un sentiment d'attachement. Car il active une réponse à certaines molécules proches de la morphine, les opiacés, produits par notre cerveau. Son action traduirait presque ainsi un lien de dépendance douce qui pourrait être le fondement de l'attachement à long terme qui s'instaure entre deux personnes. Appelons vite à la rescousse Spinoza pour nous sortir de ce pétrin. Selon le célèbre philosophe hollandais, l'amour se définirait comme étant une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Aussi, il nous faudrait donc apprendre à continuer de désirer, d'être dans la joie de ce que l'on a déjà, plutôt que de chercher sans cesse une nouvelle source extérieure de plaisir. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres, avant nous, se sont interrogés sur la meilleure manière d'aimer. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction les terres lointaines où ont exercé les premiers alchimistes. Cette proto-science à l'origine de la chimie qui porte aujourd'hui sur elle un voile de mystère et de magie. Selon une ancienne croyance qui remonte encore à notre cher Platon, à l'origine du monde, les hommes étaient des êtres androgynes. Dans le banquet, il décrit des êtres à moitié mâles, à moitié femelles, que Zeus, roi de l'Olympe, décide de séparer en deux polarités, à l'aide de son foudre, arme divine redoutable. Ainsi séparés, les deux parties chercheraient désespérément à se retrouver pour s'unir à nouveau. De là serait né le concept de flamme jumelle, lorsqu'un beau jour vous rencontrez quelqu'un, et c'est le coup de foudre, celui qui vous réunit cette fois-ci. N'est-ce pas Christian Bobin qui disait « On peut donner bien des choses à ceux que l'on aime, des paroles, un repos, du plaisir. Tu m'as donné le plus précieux de tout, le manque. Il m'était impossible de me passer de toi. Même quand je te voyais, tu me manquais encore. Ma maison mentale, ma maison de cœur, était fermée à double tour. Tu as cassé les vitres, et depuis, l'air s'y engouffre, le glacé, le brûlant, et toutes sortes de clartés. » Enfin, écoutons Barjavel qui conclut en nous disant qu'il n'y a pas d'autre mort que l'absence d'amour. Fadjet, les ondes positives. Allez, petit exercice, prenez quelques instants pour réfléchir à toutes les raisons que vous avez d'être heureux et notez-les sur plusieurs petits bouts de papier. Des grandes choses comme des petites choses. Faites une liste la plus longue possible. Il faut que vous ayez au moins 10 petits bouts de papier. C'est peut-être difficile au départ, mais avec le temps, vous allez commencer à vous habituer et à faire de plus en plus de petits papiers. Pliez-les ensuite et placez-les dans un bocal. Chaque jour, continuez d'alimenter ce bocal jusqu'à ce qu'il soit plein à ras-bord. Et un jour, lorsque quelqu'un que vous aimez ira mal, laissez-le tirer un petit bout de papier dans ce bocal pour partager avec lui un peu de vos bonheurs. Voilà, maintenant que nous avons appris ce qu'était l'amour, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il apprendre à nous tromper. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.